Troisième noble. Qui es-tu? Oh, t'as une sale tête. Duc de Courland, des villes de Riga, de Revel et de Mito. Très bien, très bien, très bien. Tu n'as rien autre chose? Rien. Dans la trappe, alors. Quatrième noble. Qui es-tu? Prince de Podolie. Quels sont tes revenus? Je suis ruiné. Ah, pour cette mauvaise parole, passe dans la trappe. Cinquième noble. Qui es-tu? Margrave de Thorn, palatin de Pollock. Moi, c'est pas lourd. Hein. Tu n'as rien autre chose? Cela me suffisait. Ouais, mieux vaut peu que rien. Allez, dans la trappe. Mais qu'as-tu à pigner, Mère Ubu? Tu es trop féroce, Père Ubu. Je m'enrichis. Je vais me faire lire ma liste de mes biens. Greffier, lisez ma liste de mes biens. Comté de Saint-Domingue. Mais commence par les principautés, stupide bougre. Principauté de Podolie, grand-duché de Posen, duché de Courland, comté de Sandomir, comté de Vitesque, palatinat de Pollock, magravia de Thorn. Et puis, après, c'est tout? Comment c'est tout? Alors, en avant les nobles! Et comme je ne finirai pas de m'enrichir, je vais faire exécuter tous les nobles et ainsi j'aurai tous les biens vacants. Allez, passez les nobles dans la trappe. On empile les nobles dans la trappe. Dépêchez-vous, plus vite, je veux faire des lois maintenant. On va voir ça. Alors, je vais d'abord réformer la justice. Après quoi, nous procéderons aux finances. Nous opposons à tout changement. Merde. D'abord, les magistrats ne seront plus payés. Et de quoi vivrons-nous? Nous sommes pauvres. Mais vous aurez les amendes que vous prononcerez et les biens des condamnés à mort. Horreur. Infamie. Scandale. Indignité. Nous nous refusons à juger dans des conditions pareilles. À la trappe, les magistrats. Ils se débattent en vain. Hé, que fais-tu, Père Ubu? Qui rendra maintenant la justice? Tiens, moi. Tu verras comme ça marchera bien. Ouais, ça sera du propre. Allons, tais-toi, boufresque.